Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Très bon après-midi. Tout de suite, Histoire vivante. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. Eh bien, les titres de l'actualité se rapportent évidemment à un seul événement, le drame de Munich. Oui, Munich, le stade olympique. Il était 10h ce matin. Histoire vivante. Berger David, votre frère Joseph, Weinberger Moshe. C'était de véritables camarades. Ils sont morts dans la fleur de leur vie. Cette semaine, tragédie à Munich, les Jeux endeuillés. On lance des appels à la population et surtout aux automobilistes. On leur dit ne prenez pas d'autostoppeur, c'est dangereux. Il y a des hommes armés qui sont prêts à tout. Une semaine olympique sans précédent. Chapitre 1. Monsieur le Président n'est pas content. Il faut sans doute se méfier de l'eau qui dort, car en ce calme été 1972, un homme, un Finlandais d'apparence bien tranquille, déclenche un véritable tumulte. Il s'appelle Ola Forsberg et il vient de mettre en branle un mouvement de protestation d'une ampleur peu commune. Ce géant, souriant de 50 ans, le visage allongé, le profil en couperet et les cheveux ramenés en arrière, un de ces visages comme auraient sans doute aimé les croquer des dessinateurs comme Vance ou Forton pour une quelconque aventure de Bob Moran, cet homme vient d'abandonner son cockpit de commandant de bord de caravelle de la Finnair pour saisir l'ONU du problème de la sécurité aérienne. En tant que président de la Fédération des pilotes de ligne, cet homme vient de déclarer la guerre aux pirates de l'air. En 1973, 350 millions de personnes prendront l'avion. Si l'on ne met pas fin aux attentats, les gens refuseront de prendre l'avion. Voici en substance ce qu'Ola Forsberg fait entendre aux membres de l'ONU et la quasi-totalité des pilotes de ligne est d'accord sur ce point. Ils ne sont pas les seuls. En ces années-là, les passagers des avions n'en sont plus à penser aux éventuelles pannes techniques, principales terreurs des voyageurs d'antan, mais bien avant tout aux pirates de l'air. L'atmosphère dans les aéroports a changé en quelques années et une évidente psychose pèse de plus en plus dans les halls d'embarquement du monde entier. Trois événements récents viennent renforcer ce sentiment. L'un s'est passé il y a peu à l'aéroport international d'Orly, en France, où des femmes de ménage viennent de découvrir des pistolets dans les vide-poches des toilettes et dans les pots destinés aux plantes vertes. L'autre à Stockholm, où l'on s'est décidé à construire un bâtiment spécial pour la fouille des passagers munis d'équipements électroniques sophistiqués. Et enfin à Munich, où trois Japonais qui s'apprêtaient à monter à bord d'un avion de la Lufthansa ont été, à la demande des passagers eux-mêmes, quasiment déshabillés et fouillés à fond avant de pouvoir prendre place dans la cabine. Il semble que les Japonais aient pris la chose avec un certain sourire. Il n'empêche, alors que sur près d'un million de voyageurs quotidiens, on en fouille tout au plus 55 000, la Fédération internationale des pilotes de ligne donne un coup de pied dans la fourmilière et brandit l'étendard de la révolte. Le quartier général de l'Ifalpa occupe les premiers et deuxième étages d'une élégante maison victorienne située Marble Arch près de Hyde Park. Au total, 10 pièces spacieuses avec de grands plafonds gris clair et des rideaux rouges. Partout des téléphones. Le standard, desservi par 10 lignes, occupe 3 jeunes filles habillées de l'incontournable mini-jupe de l'époque. Les communications arrivent du bout du monde. Santiago appelle en même temps que Taipei ou Oslo. Les pilotes du monde entier sont d'accord. Seules des lois d'une sévérité extraordinaire mettront fin à la piraterie aérienne. Naïf, penserez-vous, peut-être. Mais nous ne sommes qu'en 1972. On est loin de se douter que 30 ans plus tard, presque jour pour jour, le problème de la piraterie aérienne n'aura pas évolué d'un iota et sera à l'origine de la plus terrible catastrophe qu'ait jamais touché une ville américaine. Pour vous annoncer que deux avions viennent de s'écraser contre les tours du World Trade Center à New York. Les avions ont explosé à quelques minutes d'intervalle. On parle déjà d'un millier de blessés, d'au moins 6 morts. Mais nous disposons de très peu d'informations pour l'instant. Il y a la deuxième tour qui tombe. Alors, il semble que... Je ne sais pas si ce sont des images de la première tour ou si c'est la deuxième tour. J'ai le son. Qui est en train de s'effondrer aussi. C'est alors, la deuxième il tour. Il semblerait que ce soit la deuxième tour du World Trade Center qui soit en train d'être victime. Alors. C'était des images en direct. Je pense c'est la deuxième tour qui s'effondre. Nous pouvons, au point où nous sommes actuellement, dire que c'est l'attentat le plus meurtrier du monde. Et déjà, les pilotes s'accordent entre eux pour dire qu'il n'y a pratiquement aucune parade possible contre la piraterie. Les compagnies ont pour la plupart toutes recours à la même parade. Elles placent des policiers ou des agents de sécurité à l'intérieur des avions même, sur El Al, aussi bien que sur Ethiopian Airlines, ou à bord de la TWA, ou encore de la Japan Airlines, on place des policiers, des gardes, des tireurs d'élite, parfois même, on a recours à des barbouzes. Et pourtant, se souvient-on, en 1972, que ces actes de piraterie qui affolent compagnies et voyageurs sont nés d'un acte d'héroïsme qui a été longuement applaudi en son temps. En fait, le premier détournement d'avion date de 1950, du 24 mars exactement. Ce jour-là, trois Tchèques, qui cherchent à retrouver la liberté, obligent un avion communiste à se poser en Allemagne, dans le secteur américain. C'est le début d'une épidémie foudroyante, puisqu'on a recensé depuis 314 détournements ayant causé la mort de 236 personnes. En 1972, une statistique fait pâlir les compagnies aériennes et leurs assurances. On enregistre 5 détournements par mois pour raisons politiques. C'est en cette année 1972 qu'a lieu le procès de Kozo Akamoto, un jeune japonais seul survivant du commando suicide qui a perpétré un massacre à Tel Aviv à l'aéroport de Lod. C'est en cette année-là que le père du jeune homme, écrasé par la honte, supplie le président du tribunal d'exécuter son fils. Steven Giorgio, alias Cat Stevens, est censuré depuis le 11 septembre aux États-Unis, notamment cette chanson Peace Train, un train de la paix, en stand-by. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. together. Come bring your good friends too, cause it's getting nearer and soon we'll be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Chapitre 2, Sarok à Reykjavik. Mais en cette année 1972, où Love Story est élevé au rang des grands classiques de la littérature mondiale, avec la parution chez Aubier d'une version bilingue, s'il vous plaît, digne d'un Cervantes ou d'un Shakespeare, en cette année 1972, où Pierre Cardin habille le Bolshoï et où le cinéma politique italien tourne à plein régime, Francesco Rossi vient d'obtenir la Palme d'Or à Cannes avec L'Affaire Mattei, un film dans lequel Gian Maria Volonté incarne le roi du pétrole italien, fils d'un simple carabinier devenu à force de combines et d'arnaques l'homme le plus puissant d'Italie. Eh oui, déjà. En cette année 1972, les regards sont déjà tournés sur les deux plus importants événements de l'année. Pourquoi ? Parce que chacun de ces deux événements se rapporte à la guerre stratégique que se mènent inlassablement l'Occident et le Bloc de l'Est. Le premier de ces deux événements majeurs a lieu à Reykjavik et il se déroule en 24 matchs. Il s'agit du championnat du monde des échecs. USA et URSS face à face avec comme représentant soviétique Boris Spassky et côté américain Bobby Fischer. Chacun à leur manière sont deux enfants terribles, le premier parce que courageusement il s'est déclaré publiquement opposé à l'intervention de l'URSS en Tchécoslovaquie. Il a fallu que les autorités soviétiques fassent de leur mieux pour digérer le pavé, mais après tout on ne condamne pas un champion du monde en titre. Et de l'autre, l'inclassable, l'irritant, l'incontrôlable Bobby Fischer. En une semaine, il a fait la démonstration de ses extravagances. Des exigences financières hors normes, de logements, de confort exorbitant. Il a déjà quitté trois villas mises à sa disposition avant de se décider pour l'hôtel. Exigeant évidemment la piscine privée, un tennis couvert, réclamer l'éviction des caméras de télé dont les droits recouvraient une grande partie des frais engagés, refuser de jouer sur une scène et puis ainsi de suite, etc. Il fait partie des emmerdeurs célèbres au même titre que Cassius Clay ou Marlon Brando. On adore ou on déteste, on reste jamais indifférent. Chapitre 3. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tiens, à propos de Marlon Brando, il vient de faire un comeback des plus remarqués, laissant entendre qu'il ne retournerait un film que dès lors qu'on le supplierait ou quasi. Il a dit oui à un tout jeune réalisateur italo-américain têtu comme une bourrique, qui a adapté le best-seller de Mario Puzo, tête des ventes pendant 67 semaines, Le Parrain. Brando y joue Don Corleone, un des pontes de la mafia, alors au sommet de sa puissance, qui finira dans les tomates. Don Barzini, merci de m'avoir aidé à organiser cette réunion. Merci aux chefs des autres familles de New York et du New Jersey. Carmino Coleano du Bronx. Brooklyn. Philippe Tattaglia de Brooklyn. From Staten Island. Et pour Staten Island, nous avons Victor Strachey. Je salue nos associés venus de très loin, du Kansas, du Texas, de tous les autres territoires. Merci à tous. Comment en sommes-nous arrivés là? J'en sais rien. Tout ça est si déplorable, si inutile. I lost the son. Tatalia a perdu un fils, j'ai perdu un fils. We're quits. And if Tatalia agrees, nous sommes quittes. Then I'm willing to... Si Tatalia est d'accord, j'accepte que les choses recommencent comme avant. We're all grateful to Don Corleone for calling this meeting. Merci à Don Corleone de nous réunir ici. C'est un homme de parole. A modest man, he'll always listen to reason. Un homme de mesure et de raison. Non, Don de Barzini, il est trop mesuré. He had all the judges and politicians in his pocket. Il a les juges et les politiciens dans he sa poche. To share them. Et il refuse qu'on en profite. When did I ever refuse an accommodation? Ai-je jamais refusé un arrangement? All of you know me here. Vous me connaissez tous. When did I ever refuse, except one time? Ai-je jamais refusé, sauf une fois? Et pourquoi? Because I believe this drug business. Parce que je crois que la drogue nous détruira tous d'ici peu. I mean, it's not like gambling, c'est pire que le jeu ou, liquor, even women. Ou l'alcool ou les femmes qui sont les distractions de tout le monde. Que seuls les pezzos de Naventa de l'église interdisent. Même les policiers qui nous couvrent pour le jeu et le reste nous lâcheront si on s'occupe de drogue. Je le pensais à l'époque. Je le pensais à l'époque. Et je le pense encore maintenant. Les temps ont changé, ce n'est plus comme autrefois, quand on faisait ce qu'on voulait. Refuser, ce n'est pas digne d'un ami. Si Corleone tient les juges et les politiciens de New York, il doit les mettre au service de tous pour que nous puissions tirer l'eau du puits. Qu'il présente une facture pour ses services. Après tout, nous ne sommes pas communistes. I also don't believe in drugs. Moi aussi, je suis contre la drogue. Je paye un bonus à mes gens pour qu'ils ne trempent pas là-dedans. Mais un jour, on vient leur dire, j'ai de la drogue et si tu investis 3 à 4 000 dollars, on en raflera 50 000 sur la distribution. Qui résisterait à ça? Voyons ça comme une affaire sérieuse. I don't want to talk to children. Faut pas en vendre dans les écoles, pas aux enfants. That's an infamia. Ça, c'est une infamia. My city, we would keep the traffic in the dark, people to call it. Dans mon secteur, on n'en vendrait qu'aux noirs. Du reste, ce sont des animaux, ils n'ont pas d'âme. I hope that we could come here and reason together. Je savais que la raison prévaudrait sur tout le monde. And as a reasonable man, étant raisonnable, je suis prêt à chercher. Find a peaceful solution. Prêt à chercher une solution pacifique à nos problèmes. Nous sommes d'accord, le trafic de drogue est permis sous contrôle. Corleone assure notre protection dans l'Est et la paix régnera. Il me faut des garanties de Corleone. À mesure que sa position s'affirmera, ne va-t-il pas relancer la vendetta? Soyons raisonnables, ce sont les avocats qui exigent des garanties. Parler de vengeance? La vengeance vous rendra-t-elle votre fils? Me rendra-t-elle le mien? I forgot the vengeance of my son. Je renonce à venger la mort de mon fils. But I have selfish reasons. Mes raisons sont égoïstes. My younger son. Mon fils cadet a dû s'expatrier. Because of this Salazzo. À cause de l'affaire Salazzo. All right. I have to make arrangements. Je dois le faire revenir en toute sécurité. Clear of all these false charges. Et être lavé de toutes ces accusations. But I'm a superstitious man. Mais je suis superstitieux. Si un accident devait lui arriver, s'il était abattu par un agent de police, s'il devait se pendre dans sa cellule, s'il devait être frappé par la foudre, alors je dirais que le coupable est ici. Ça, je ne le pardonnerai pas. Mais... Let me say that I swear. Je fais ici le serment. On the souls of my grandchildren. Sur le salut de mes petits-enfants. I will not be the one to break the peace we've made here today. Que je ne romprai pas le pacte de paix établi ici. Revenons au match de Reykjavik opposant Boris Paski à Bobby Fischer. Le championnat du monde se déroule en 24 parties. La troisième résume à elle seule l'affrontement de ces deux personnalités. Ce jour-là, Bobby Fischer, ridiculisé à la première partie comme un amateur en simplement 29 coups, battu par forfait à la deuxième, à la suite de tergiversations autour de la présence des caméras de télévision, ce jour-là donc, Bobby joue brusquement un coup. Selon les experts, un coup invraisemblablement culotté, parfaitement inorthodoxe et quasiment suicidaire. Un roux de stupeur parcourt toute la salle, chacun croyant à une bévue comme à la première partie. En face, Spassky prend tout son temps pour réfléchir. 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Spassky se décide à prendre la pièce apparemment offerte par Fischer. Plusieurs heures plus tard, et 30 coups plus tard également, la partie est ajournée. L'Américain place sous enveloppe scellée sa combinaison du lendemain, la remet à l'arbitre et s'en va jouer au bowling, tandis que le Russe, entouré de tous ses analystes, passe la nuit entière penché sur les positions de l'échiquier. Le lendemain, selon un rite désormais célèbre, arrivé en retard de l'Américain, l'arbitre ouvre l'enveloppe et, selon les instructions, déplace une pièce qui met le Russe échec et mat. Une partie gagnée en 27 coups, du jamais vu dans un championnat du monde, Bobby Fischer a battu Boris Spassky. Non, pardon, les États-Unis ont battu l'URSS. Chapitre 4, l'essentiel, c'est de participer. 20e prise, moteur, action. Le deuxième événement aura lieu à partir du 26 août prochain en Allemagne, à Munich très précisément. Ce sont bien évidemment les Jeux Olympiques. Des Jeux qui ont été placés sous un signe et un seul, celui de la joie. On le comprend mieux quand on se souvient que les derniers Jeux Olympiques en Allemagne se sont déroulés à Berlin en 1936 sous la haute présidence d'un certain Adolf Hitler qui ne quittera le stade qu'à une occasion, quand Jesse Owens, le sprinter noir, emportera devant tous ses concurrents, pur à rien compris, le 100 mètres en un temps record, celui de 10 secondes 3. Cette année, face aux trois athlètes noirs américains, Reno Robinson, Eddie John Hart et Robert Taylor, qui pourraient fort bien réaliser l'exploit d'empocher les trois médailles, les Soviétiques ont sélectionné, par ordinateur, sinon leur surhomme à eux, tout au moins l'homme qui, selon leurs critères, correspondrait le mieux aux données du sprinter idéal. Alors, ces données sont les suivantes. 1m82, 78 kg, nervosité nulle, capable de changer de rythme dans les tout derniers mètres d'une course où les corps sont lancés à plus de 35 km/h. C'est un étudiant de l'Université de Kiev. Il s'appelle Valery Borzov. Les athlètes du monde entier sont déjà arrivés à Munich et peuvent constater de leurs propres yeux que la nouvelle ville olympique a déjà dépassé Tokyo et Mexico en ampleur et en moyens. Avec un budget 4 fois plus élevé que les années précédentes, une cité entière a été construite d'une superficie de 3 millions de mètres carrés avec ses routes, ses 21 ponts et tunnels, son train, sa ligne de métro. Un gigantesque toit en plexiglas ignifugé recouvre une partie du stade, le hall des sports et le stade nautique. Certains athlètes qui ont étreint le stade ont affirmé qu'aucun record du monde ne saurait être battu dans la température de serre que fait régner cette verrière en plexiglas, nous verrons bien. Ce n'est pas le cas des membres de l'équipe suisse de natation, qui s'est dite fort satisfaite du bassin. On les écoute dans ce premier reportage depuis Munich, réalisé par la Radio Romande. La piscine est formidable et je pense que c'est une des meilleures que j'ai jamais nagées. Est-ce que la température de l'eau est idéale? Oui, c'est très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là? Non, pas du tout. Je crois que vous m'avez dit qu'il fait par contre un petit peu frais dehors. Oui, dehors, il fait un peu frais quand on est mouillé. Enfin, ça va. De toute façon, pour les compétitions, on sera bien en training, bon chaud. Je pense que ce ne sera pas un problème. En période de préparation olympique, vous m'avez dit que vous nagez jusqu'à 10 km par jour. Maintenant, quelle est votre ration d'entraînement? On fait environ 6 à 7 km par jour. Ah, quand même 6 à 7 km maintenant. Oui, c'est encore... aujourd'hui, on a fait. Ce matin, on a fait pas mal. C'est-à-dire donc, dans la piscine olympique, vous avez possibilité d'y aller plusieurs fois par jour? C'est-à-dire, on a des heures pour y aller. Ce soir, on ira assez tard, on ira à 8 heures. Mais disons, autrement, il n'y a pas trop de difficultés. Vous n'avez pas comme Shane Gould, par exemple, Pour échapper aux journalistes, aller nager à 5h le matin. Non, pas du tout. Une mauvaise surprise attendait Françoise Monod à l'issue de cette interview. En effet, vu le taux d'occupation de cette piscine, eh bien, les Suisses iront s'entraîner demain matin à 6h à la piscine olympique. Ce n'est pas pour fuir les journalistes, même si les journalistes ne sont pas autrement appréciés. Nous ne parlons pas de la délégation suisse dans le village olympique, et ça, on le comprend. Les compétiteurs aspirent au calme, ils veulent de la concentration, et c'est sur ordre des chefs des différentes délégations que les journalistes sont priés de ne pas trop importuner les différents concours. Ensuite, une question a été posée à Alain Charmet. Que pensait-il des conditions ? Moi, je crois que c'est vraiment formidable. On est logé dans des petits appartements, très confortables. Vous êtes plusieurs par chambre ou seul ? Nous sommes dans des chambres de 2 ou 3. Et nous avons à disposition un steward que nous pouvons appeler n'importe quel moment de la journée pour demander des boissons ou des fruits ou enfin, ce qu'on veut pour manger. Donc en somme, sur le plan hébergement et sur le plan nourriture. Sur le plan nourriture, je crois que le problème, c'est qu'on a un peu trop et c'est un peu trop bon. Alors on est très terriblement tenté de manger un peu de tout, mais il faut faire attention. Et puis après, quand on aura fini de nager, on pourra enfin s'adonner au plaisir de la cuisine du village olympique. Mais c'est du 5 étoiles, la nourriture. Abordons maintenant un aspect plus sportif avec un autre nageur, Jean-Pierre Dubé. On le sait, les nageurs suisses ont des ambitions limitées. Alors Jean-Jacques Besseau a demandé à Jean-Pierre Dubé si le fait qu'il y avait peu de prétentions avait une influence sur le moral. Non, je ne crois pas, parce qu'à part une ou deux exceptions qui arrivera peut-être quand même à aller en finale ou en demi-finale, on vient ici dans l'espoir de faire son meilleur temps. On a envie de... Ça va vous stimuler. Ouais, et puis le bassin est très bon. On a une sensation de puissance dans l'eau, extraordinaire. Le bassin est très rapide, je crois, d'ailleurs. Très rapide, puis paraît très court, parce que l'espace pour le public est très grand. Alors, ça diminue la distance à l'œil, comme ça. Est-ce qu'on se sent bien dans l'eau de ce bassin olympique? Est-ce qu'une piscine olympique ressemble aux autres piscines? Je ne crois pas, parce qu'elles sont de plus en plus belles. Et puis, l'eau est d'une clarté, un bleu ciel. C'est presque les mers du sud, d'ailleurs, je crois. Ah oui, et puis elle est chaude. Je crois qu'elle a 26 degrés ou 27,5, quelque chose comme ça. Ça vous paraît la température idéale? Ah oui, ça c'est... On n'a pas froid. Juste l'air, la piscine est assez frais, mais c'est normal quand on pense qu'il y aura à peu près 8000 ou 10 000 personnes, je ne sais pas exactement. Vous pensez que les records vont tomber ici à Munich? Je ne parle pas seulement du point de vue helvétique, mais sur le plan mondial. Ah oui, je suis persuadé. Quand on est arrivé dans cette piscine hier soir pour la première fois, on s'est dit que c'est un bassin miracle. Hélas, c'est plus le cauchemar qui attend ces Jeux Olympiques de Munich, QV 1972. À demain pour la suite de leur évocation. Ça y est, le chanteur écossais n'est plus avec Jeff Beck et sa carrière solo démarre à toute allure. En 1972, Rod Stewart chante Maggie May. Wake up Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my heart, and that's what really hurts. The morning sun, when it's in your face, really shows your age. But that don't worry me none, in my eyes you're everything. I laughed at all of your jokes, my love you didn't need. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec